Et fleurs de la lumière dans le sens éphémère, une croix tatouée sur l'omoplate qui fut un temps n'avait pas la portée qu'on nous enseigne aujourd'hui de crâne rasé et ourlet retourné. Un bon beurre sûr qui y a une larme dans une de ses poches sûres qui fut viril sûr qu'il aime pas les bébés même s'il se met un doigt mal à nous. Sous la douche, on se met uni, droit, sous une douche, en se caressant la prostate. Oh, ce monde est fait de juifs et de nazis, mais les autres, ils subissent. Tiraillé entre queue pelée et bite rasée, ils inventent des leurs, de façon à choisir un camp. Mais quand est-ce qu'on les tuera tous, les hommes aux couilles qui ne contrôle pas, et les pédophiles, et les salafistes, et les wallabistes, et les jihadistes, et nazistes, etc. Le problème des hommes qui engendrent la terreur, comme les journalistes avec leur propagande de peur. Voyez tous les terroristes comme les États qui suivent et mettent des armes sur des idéologies créées par leurs incompétences à établir un système d'égalité et de au lieu de bannir les religions, au lieu de les acclamer, jouer. Oh bien, au lieu de les acclamer, jouez vous les hommes, entretuez-vous jusqu'au dernier, qu'on ait le prix de la paix, qu'on puisse avoir la liberté, pour s'enfermer, d'enlever les barbelés, effacer les frontières, de détruire les frontières, de respirer, qui nous empêche de respirer, laissez épuiser la vie, continuer la vie. Laissez la vie reprendre où l'homme a commencé. Laissez respirer la terre qui n'en peut plus de donner. Laissez-nous, jusqu'où irez-vous? dans la cruauté. Mais jusqu'où irez-vous dans votre monde sans pitié au pied de l'arbre, les tronçonneuses au pied du mur, aligner tous ces cons, comment finissent fusillés, abandonner l'espoir qu'ils pourraient changer, faut les éliminer à la naissance, endoctriner dans leur famille. Qu'une seule sorte de pensée endoctrinée pour des parents incompétents qui mettent des mots comme ils pensent des pansements sur les douleurs qui ne veulent pas entendre parler. Les parents sont des gens qui n'ont rien compris à la vie où ils font des petits kits à faire craquer le sac qui les contient. Car leur éclos d'être représenté par quelqu'un les fait bander. Projeter sans savoir se faire bander. Ignorant se faire bander. De savoir que ce que mon con passera dans la main de ce futur descendant pauvre de vous quand on vous voit pauvre de vous vous projeter dans ce que vous n'avez jamais été. Vous êtes des êtres pitoyables au lieu de construire un bel avenir dans le détruire. Vous le détruisez avec votre ego démesuré. Vous détruisez ce pauvre monde, cette pauvre terre, cet espace qui vous a. Vous n'êtes pas une être que des pauvres cons. Make it be so money, how you do so? Fucking under the bed and see how Bobby Lincoln could know after the bit of the money. Fucking under the rings on my bus on a red night. Waking up to you all too soon, ready to travel and see them.